écoute, stop. On enregistre là. Hein. On essaye. Et puis si ça marche, tant mieux. Hein. Comme tout à l'heure. Ok. Alors, ça c'est une bonne vague.